Il n'y a pas juste des amateurs de tirage de cartes, hein? Hein? L'astral, c'est bien vaste, c'est bien subtil, puis des fois même ça se camoufle au niveau de l'humour, mais les bouddhistes tibétains, hein, qui viennent de commencer là, leur nouvel an, là. Hein? Le Tibet, en passant, qui a tout le temps été traditionnellement un protectorat de la Chine, hein? Bon. Mais là, bon, à un moment donné, bon, il a commencé, il y a les nazis qui sont mêlés de ça, après ça, la CIA, puis, une continuité, une sorte de continuité. Ce qui se ressemble, ça ressemble, n'est-ce pas? Donc là, c'est le nouvel an tibétain, puis il y en a, là, des tibétaneux, là, bon, ben, bonne année à vous autres, mais ça sera pas mon nouvel an à moi. Nous autres, on utilise le calendrier solaire, pas lunaire. Bonne journée.